tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse À la poursuite des livres manquants, une série d'Élise Gruau réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a les livres qu'on attend et aussi tous ces livres qui ne sont pas encore écrits, qui dorment encore dans les têtes des auteurs, et c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. Alors pour commencer, les personnages. Un auteur qui avait peur de ne pas finir, une autrice et ses poètes, un auteur à la recherche d'une réponse, un éditeur qui cherche l'étonnement, une autrice exilée et une autre qui écrit pour un lecteur. Ensuite le décor. Des pages et des claviers, des stylos, des cahiers, des titres, des trams, un train, la Corrèze, des oiseaux, des marais, des mondes qui ne sont pas dits, une station-service, des rituels et des incendies. Aujourd'hui, 4e épisode, on nous raconte une histoire. Nos noms ne vous diraient rien. Nous sommes de la famille heureuse, des lecteurs anonymes. Nous sommes des orphelins. Et nous lisons, nous écrivons, nous publions. Nous émettons, nous recevons, nous relisons, nous commentons, nous réécrivons. Nous sommes véloces et intrépides. Nous sommes sauvages et musclés. Nous sommes curieux et insatiables. Lire nous a amenés à écrire. Écrire nous a ramenés à la lecture. La lecture nous a conduits à la bibliothèque. Mais la bibliothèque... Mais la bibliothèque avait un problème. En se croyant complète, elle nous laissa orphelins. Il lui manquera toujours un livre. Nous écrirons le livre manquant. À la poursuite des livres manquants, le livre qui vient. Élise Gruau, Anna Schmuck. Il courra sur les chemins. Il trottera sur les sentiers. Il circulera le long des routes et autoroutes. Il glissera sur les voies lentes et rapides. Il voyagera dans des pays sans carte. Et nous lirons, nous écrirons, nous publierons, nous émettrons, nous recevrons, nous relirons, nous commenterons, nous réécrirons. Un livre est un problème. Pour nous, il n'y a qu'une solution. Lire et écrire des livres à problème. L'avenir des livres est un problème. Le problème des livres est une question d'avenir. C'est aux livres d'inventer leur avenir. L'avenir des livres est entre nos mains. Una biblioteca es una especie de caverna mágica llena de difuntos. Y esos difuntos pueden ser devueltos a la vida. Quand abrimos sus páginas. Cyril Martinez, dans son roman La Bibliothèque Noire, donne la parole à des livres en colère et clame sa foi en la puissance des livres à transformer l'existence. Après les livres disparus, les livres rêvés, parfois ressuscités, il y aura toujours des livres manquants qui sont ceux qui sont encore à venir. S'il y a un livre que vous voulez vraiment lire mais qui n'a pas encore été écrit, c'est à vous de l'écrire. Tweetait en 2013 la romancière américaine Toni Morrison. Ce livre manquant, qu'il faut écrire soi-même, est-ce l'idée des auteurs d'aujourd'hui ? Mathias Sénard, Emmanuel Bayamaktam, Nathalie Quintane, Pierre Bergougnou, Yves Pagès nous emmènent dans leur alchimie particulière. Le premier livre, alors bon, maintenant c'est un peu lointain, donc je... Mathias Sénard. Mes souvenirs sont très certainement un peu reconstruits par le fait que j'en ai écrit d'autres après. Mais ce qui est très fort au moment du premier livre, c'est que d'abord, un, on ne sait pas si on va le terminer, puisqu'on n'en a jamais terminé jusque-là. Et donc le premier qu'on termine, évidemment, c'est une expérience complètement neuve, puisque ça ne s'est par définition pas encore produit. Et qu'on termine et puis qu'il finit lui-même imprimé, édité, qu'il y a toute cette aventure de livres. Donc au départ, forcément, et c'est ça la grande différence entre le premier livre qu'on édite et puis ce qu'on fait par la suite, c'est que par la suite, on sait qu'on a la possibilité de terminer. Ce qui n'est pas du tout sûr quand on commence l'écriture d'un premier roman. Ça demande, je pense, à la fois, il y a dans le premier texte, tel que je m'en souviens en tout cas, il y a une grande patience, un peu avec soi-même, en disant, bon, je vais y arriver, il faut se donner du temps. Mais je me souviens surtout d'une grande énergie, un grand désir, et puis pas toujours les moyens de le maîtriser, puisque par définition, quand on commence, on ne sait jamais trop où ça va. Le plus important, c'est le souffle. La respiration calme et lente. La patience du souffle. Il faut d'abord écouter son propre corps. Écouter les battements de son cœur. Le calme de son bras, de sa main. Il faut que le fusil devienne une partie de soi. Un prolongement de soi. Avant même la cible, l'important, c'est soi-même. Il faut organiser l'espace, qu'on se trouve sur un toit, derrière une fenêtre, n'importe où. Il faut le contrôler, le faire sien. Rien de plus ennuyeux que le passage d'un chat dans son dos ou l'envol d'un oiseau. Il faut être soi et rien d'autre. L'œil dans la lunette, le bras métallique tendu vers la cible pour la rejoindre. Moi, je me souviens que c'est la première phrase ou le premier paragraphe du livre reprend un peu ce que j'imaginais de l'écriture d'un livre. C'est-à-dire que je me souviens de la première phrase, c'est ma première phrase publiée, qui disait « le plus important, c'est le souffle ». Et donc, ça parle d'un sniper, un tireur d'élite sur un toit. Comment j'ai s'appelait écrit votre premier livre ? La perfection du tir. Mais en même temps, c'était aussi l'injonction que je me faisais à moi-même, qui était « bon, voyons voir hein, ». Pour arriver jusqu'au bout, le plus important... c'est effectivement le souffle au sens de l'endurance. Il va falloir produire beaucoup de textes. Et puis en même temps, il va falloir être très concentré. Et puis voilà. Et donc cette première description, elle me renvoyait aussi à ce que pouvait être le mode d'emploi pour l'écriture d'un premier roman. Je me suis arrêté de respirer, juste avant de presser la détente, comme on dit. Mais je ne presse rien. Au contraire. Je libère un chien de métal qui vient frapper un point de percussion, qui enflamme une poudre, qui propulse un projectile jusqu'à 1200 mètres, et qui vous tue. Ou pas. Est-ce qu'un livre que vous écrivez est un livre que vous avez d'abord rêvé ? Rêvé, oui, ou imaginé, en tout cas, après c'est pas forcément la nuit quand on dort qu'on imagine un livre, mais il y a une espèce de construction imaginaire d'un livre... d'abord invisible, mais qui a l'avantage d'être terminé et parfait quand on l'imagine, et on le rêve, on fabrique un peu ce projet. Par exemple, je me rappelle très bien que quand j'écrivais Zone, j'avais dans la tête des idées de palimpsestes, de cartes, de réseaux méditerranéens, et je m'imaginais un livre qui serait un peu comme une espèce d'encyclopédie du 21e siècle de toutes les guerres autour de la Méditerranée. Et donc oui, il y a toute une partie avant l'écriture proprement dite de rêverie ou de songerie autour du livre à écrire. Et après, parfois, même beaucoup de rêves, de livres dont on rêve ne se réalisent pas forcément. C'est-à-dire que parfois, j'imagine des livres... Et donc j'ai le titre, l'histoire, le récit. Et puis au bout d'un moment, soit parce que je les oublie tout simplement, ou alors parce que, je sais pas, le désir s'émousse, ou que j'arrive pas à trouver la façon de les écrire, finalement ils disparaissent. Un peu comme des rêves s'enfuient. Mais c'est vrai qu'il y a un projet un peu fantomatique avant. C'est plus un spectre, un peu qu'un rêve, puisqu'il il peut avoir presque une réalité. Parfois on arrive presque à le toucher. Et il ne demande plus qu'à être écrit. Bon, après, évidemment, il va se transformer en advenant dans la réalité. Disons qu'en advenant, il va évidemment se transformer et perdre malheureusement la perfection qu'il avait quand on en rêvait. Zone, c'est un projet qui a plusieurs étapes. En choisissant des épisodes, depuis l'Iliade, donc la guerre de Troie, jusqu'à la guerre de Yougoslavie, la guerre des Balkans ou le conflit au Moyen-Orient, c'est-à-dire jusqu'à la toute fin du XXe siècle, essayer de reconstruire une grande carte de la Méditerranée. Avec déjà cette question qui me fascinait, qui était l'histoire un peu du flux et du reflux, un peu comme le mouvement de la mer, des astres, des batailles, des victoires et des défaites qui se succèdent un peu les unes aux autres, comme la marée montante et descendante. Et puisque par exemple les Troyens sont défaits, mais Énée fondera Rome qui à son tour sera victorieuse, puis sera défaite, ainsi de suite. En tout cas, c'est comme ça que l'humanité aime à se raconter ses histoires. Mais j'avais vraiment du mal à trouver une voie, un film qui me permettait de raconter un peu toutes ces histoires. Et c'est un jour dans un train entre Milan et Rome que j'ai eu cette révélation ou cette illumination de me dire, ah mais voilà, un personnage dans un train, c'est à lui-même en mouvement, un peu au centre de cet espace méditerranéen, puisque finalement le trait italien sur la carte, c'est presque l'axe de symétrie de la Méditerranée sur lequel on pourrait la replier en deux. Et donc un homme dans un train qui lui-même irait vers le sud de l'Italie, donc du nord de Milan vers Rome, et qui imaginerait ou qui rêverait lui-même à son tour tous ces récits. Ça devenait vraiment monstrueux comme projet. Donc j'ai réduit en me disant, bon, centrons-nous sur le XXe siècle. Comme un sculpteur a déjà toute la matière dans son bloc de terre ou de marbre et qu'il fait advenir la forme qui lui convient, finalement, dans cette immense masse de l'histoire de la Méditerranée, comme si j'avais un peu taillé en choisissant et en retirant les éléments qui me paraissaient trop lointain ou qui ne collait plus du tout à ce propos, et j'y avais resserré petit à petit le livre autour de cet axe Milan-Rome et du XXe siècle. Et en plus dans une seule phrase. Oui, dans une seule phrase qui lui donnait voilà aussi cet aspect. Et ça, c'est très souvent que un livre se commence vraiment au-delà du rêve ou du projet qu'on peut en avoir quand on trouve ça la voix, le son, la façon dont il va être écrit. Et ça commence vraiment quand j'ai la voix de Francis Servin Mirkovitch, qui est ce personnage dans ce train. Et donc, cette immense phrase sans point, ce très long monologue intérieur, qui permet, un peu comme le train ne s'arrête presque jamais, d'aller jusqu'au bout du voyage. Al secondo marciapiede in partenza rapido per Roma. Raie de cœur. Tout ce qui brille, pauvre mort, hymen, le triomphe, une fille du feu, la princesse de, si tout n'a pas péri avec mon innocence. Mon père m'a donné un mari, je viens, Arcadie. Je me souviens très, très, très clair des vers qui m'ont inspiré certains de mes livres. Par exemple, pour Emmanuel Bayamaktam. Pauvre mort. C'était Rimbaud, c'était pauvre mort dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie. Ça aurait pu être Baudelaire, parce que Baudelaire aussi parle des pauvres morts qui ont de grandes douleurs. Mais c'était Rimbaud. Et pauvre mort dans l'été, dans l'herbe, dans ta joie, j'ai tout conservé en fait. Le rapport aux morts, l'herbe, l'été, la joie, et j'ai tout déployé finalement. Je viens, c'était un poème de Michaud, je viens comme un chant grave, alors j'en cite un millième, hein, mais voilà, ça m'a suffi. Et plus anciennement. Et si tu n'as pas péri avec mon innocence, qu'un titre alors, magnifique. Oui, alors si tu n'as pas péri avec mon innocence, effectivement le titre est un alexandrin, mais l'alexandrin n'était pas là. Avant, il est venu chemin faisant. Je ne me rappelle plus vraiment de ce qui m'a inspiré si tout n'a pas péri avec mon innocence. Mais Ovide est venu alors que, puisque c'est la traduction d'un vers d'Ovide, est venu alors que j'avais déjà commencé à écrire. Et oui, Pauvre mort, c'est venu aussi de, et une fois de plus, d'Henri Michaud, d'une phrase de Michaud qui est « À quoi bon la tête quand on est débordé ?» Donc finalement, voilà, Michaud rencontre Rimbaud et puis le livre commence comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment un film, mais largement suffisant pour moi. Ça peut être aussi une image. Il me semble que Je viens, c'est parti, entre autres, d'une image. Vous vous souvenez de quelle image c'était ? Oui, c'était l'image d'une fille sortant d'un immeuble et rajustant ses lunettes de soleil. Il n'en reste absolument rien dans le livre, si ce n'est peut-être un vague espoir de starification, starisation, je ne sais pas comment dire, pour l'héroïne. Et puis ça s'est croisé avec un poème d'Henri Michaud et d'autres sources d'inspiration. Mais il y avait cette image, oui. C'est le déclenchement, c'est ce qui me met dans ce que je pourrais appeler une sorte d'état poétique qui va faire que de toute façon je vais être extrêmement réceptive à ce que j'entends, à ce que je vois. La Princesse 2, le point de départ, c'était, j'étais en voiture, je traversais des marais en Bretagne, j'ai vu un héron et une grande partie du roman est née de cette image du héron. Mais après, c'est complètement recouvert, submergé par des tas d'autres strates. Et ce qui fait que l'image du héron, finalement, dans La Princesse 2, elle est là. Les marais sont là, la rivière est là. Le personnage principal a une espèce de démarche héronnière et chassière. Mais ça a été submergé par des tas d'autres choses. En fait, l'histoire n'est pas première, c'est-à-dire que le désir de romanesque chez moi, il arrive très en aval. Ce qui précède, ce qui déclenche, ce qui insémine, c'est vraiment la poésie. Et mon désir de fiction, il existe. Hein, bien sûr, j'écris des romans et je l'assume pleinement. Mais dans la genèse du livre, voilà, ce qui préexiste, c'est vraiment quelque chose de plus fulgurant, de plus nébuleux aussi, c'est l'image. Ou alors, enfin, du texte, mais vraiment quelques mots. Ce qui est plus mystérieux, c'est comment j'en arrive à écrire une histoire. Mais ça, je l'explique pas complètement, mais c'est pas... Comme, de toute façon, comme j'entre dans cet état d'hypervigilance que moi je qualifie de poétique, de toute façon, tout vient nourrir le livre en chemin. C'est-à-dire que les rencontres, les discussions, les films, les autres lectures, et je ne m'inquiète jamais de ce que je vais bien pouvoir écrire parce que de toute façon, je sais que ça arrive. De toutes les femmes du bus, je suis la seule à être un homme. Par voie de conséquence, je suis aussi la seule dont la féminité ne soit pas un théâtre clinquant, mais une certitude aussi intime qu'incontestable. J'expliquerai un jour, si j'explique, comment les hommes finissent par devenir des femmes beaucoup plus convaincantes que celles qui ont reçu, in utero, le petit paquet bien ficelé de leurs attributs anatomiques et y ont vu dès le départ une bonne raison pour ne rien faire, un alibi pour n'être rien. Mais l'heure n'est pas aux explications. Et ce que je partage avec les autres voyageuses s'avère beaucoup plus consistant qu'une identité sexuelle, finalement litigieuse chez à peu près tout le monde. Emmanuel Bayamak Tam, Princesse de... J'écris toujours dans le projet d'un livre et j'ai l'impression que de toute façon, l'auteur court toujours après un livre manquant. Enfin, ou alors il arrêterait d'écrire. Pas forcément un livre idéal, mais en tout cas après une idée de livre et que finalement, on rate toujours son coup. Et en définitive, pour moi, livre manquant ou livre manqué, enfin, la frontière entre les deux est vraiment très mince. J'ai l'impression de toujours avoir une sorte de projet littéraire et de toujours le rater. Et ce qui fait que je recommence. C'est-à-dire que l'idée que j'avais en amont du livre est toujours battue en brèche par la réalité de l'écriture. Donc ce livre que je poursuis, finalement, n'est jamais écrit. Et du coup, je recommence. Et vous aimez quand même ce que vous avez écrit ? Oui, par exemple, là, le livre que je viens de terminer, je me disais que ça allait être un santon. Donc un livre fait exclusivement d'autres livres, de citations allographes, de formules prises à droite et à gauche. Enfin, que je systématiserais ce que je fais déjà depuis plusieurs années, c'est-à-dire d'infuser le livre, de le métisser avec des phrases d'autres livres, d'autres auteurs. Alors Baudelaire, évidemment, Ovid, Rimbaud, Verlaine, Racine et d'autres. Et là, je m'étais dit, voilà, là, cette fois-ci, ça ne sera finalement que ça. Ce sera un santon. Et j'avais à l'esprit un modèle de santon parfait qui est le santon nuptial d'Ozone, qui date de je ne sais pas quand, du IVe siècle, je crois, dans lequel finalement il reprend du Virgile, essentiellement l'Énéide, mais un peu les bucoliques et les géorgiques aussi, et il en fait un livre, mais il infléchit progressivement les textes de Virgile vers quelque chose qui finalement est érotique. Et je me suis dit, bingo, voilà, moi je vais faire ça, je vais prendre des textes que j'aime et je vais les déformer, les détourner vers quelque chose qui serait érotique. Et bien évidemment, ça n'est absolument pas ce que j'ai fait. Alors, il en reste quelque chose, mais il n'empêche que c'est pas un santon. Pour Arcadie, c'était le santon nuptial, mais en définitive, j'ai toujours cette espèce d'entreprise préalable qui ensuite avorte. Oui, j'ai loupé mon coup. Alors peut-être que je l'ai loupé à la façon dont Beckett dit échouer encore, échouer mieux, mais n'empêche que c'est pas du tout. Je n'ai pas écrit ce que je pensais écrire. Bon, c'est peut-être ça mon livre manquant, mon livre manqué, le livre qui restera toujours à écrire. Et je m'aperçois que le processus est toujours le même, c'est-à-dire que je me dis que je vais écrire ça, et puis je me fourvoie, quoi. Horace a simplement dit « De te fabula narratur ». C'est de toi, lecteur, qu'il est question dans le livre. Le livre est un miroir réfléchissant. Et nous savons, depuis les travaux de Jacques Lacan, quelle contribution décisive le stade du miroir représente dans la formation du jeu. Je sors d'une région pauvre, périphérique, obscure, séparée. La Corrèze. La vieille Corrèze, oui. Pierre Bergougnoud, vous avez été enfant à la recherche d'un livre. Oui, je cherchais le livre qui me dirait quel jeu nous étions. Oui, sachant que les formes les plus hautes de conscience sont consubstantiellement liées à la culture écrite, graphique. Il n'y a que par le truchement de la plume et du papier qu'il soit permis de lever le mystère, de dissiper les énigmes dont le monde est, par essence, par nature, par définition, encombré aux yeux des bipèdes pensifs que nous sommes. Donc j'ai passé mon temps à chercher et je ne l'ai pas trouvé. Alors dans un premier temps, j'ai considéré que c'était ma faute, je ne savais pas chercher. Donc je suis allé frotter ma couenne à la couenne d'autrui et découvert que si c'est en vain que j'avais cherché ce livre qui m'aurait tout dit, ben c'est parce qu'il n'existait pas et qu'il était resté dans l'encrier. J'aurais aimé recevoir, au sortir du ventre maternel, la petite liasse de feuillets dactylographiés sur laquelle j'aurais découvert, au sens strict du terme, la légende, ce qui doit être lu. Comment est-ce que l'enfant ou le jeune homme qui cherchait ce livre, qui parlerait de lui, oui, un jour a entrepris d'écrire soi-même ? J'ai pas trouvé le livre, donc je me suis dit, bah, puisque les adultes ont failli, ou qu'ils n'avaient pas le temps ou la capacité, je vais être vulgaire, il faut s'y coller. Et il m'a fallu atteindre la trentaine pour me poser la question terrifiante de savoir si ce petit livre que j'avais cherché je ne pourrais pas le barbouiller, puisque manifestement mes compatriotes n'en possédaient pas auparavant la capacité, et que ceux qui écrivaient des livres se moquaient éperdument de la vie chétive, obscure que nous menions dans nos guérets. J'ai vu mourir un monde, j'ai encore vu travailler les bêtes, les hommes parler aux bœufs. Un bœuf, ça fait 800 kilos, ça peut atteindre une tonne. Une couple de bœufs, donc 2 tonnes de viande, obéissaient à la voix aux injonctions qu'un gringalet de 60 kilos accroché au manchon du brabant ou de la charrue leur adressait. Et aujourd'hui, je parle avec des automates et des ordinateurs. Je ne suis pas mort, enfin je ne crois pas encore, pas tout à fait. J'ai vu cela, j'ai vu les ultimes vestiges du néolithique, le travail à la main, fané, moissonné à la faux. Et dans l'intervalle, le temps d'une vie d'homme, le monde a changé. J'ai pensé que puisque j'avais appris ça à l'école, je pourrais la plume à la main témoigner de ce qu'on pouvait encore voir dans ce pays au milieu du XXe siècle. Je voyais bien l'avantage qu'il y avait de faire passer par la filière de l'écrit un certain nombre de pensées qui m'étaient obscures à proportion de ce qu'elles restaient à l'intérieur, et qu'elles ne gagneraient en clarté, en rigueur, que sous la réserve qu'elles passeraient dehors, que je les verrais comme des objets extérieurs. Il n'y a pas de place pour l'innocence, il faut avoir lu avant d'écrire. On ne peut pas s'engager soi-même dans les défilés de notre sens si l'on a suivi aveuglément, en les tenant par la main ou par le coude ou par les basques de leur habit, ceux qui, les premiers, ont exploré ces terres longtemps inconnues, qu'ils ont jalonnées, balisées, cartographiées, illuminées. Catherine, c'était nous, le premier mot, miette, la capture, la ligne, le chevron, le grand sylvain, le matin des origines, les forges de Siam, simples, magistraux et autres antidotes. Un peu de bleu dans le paysage, une chambre en Hollande, la mort de Brune, l'orphelin, la Toussaint, la bête faramineuse, chasseur à la manque, back in the 60s. Carnet de notes 1980-1990, 1991-2000, 2001-2010, 2011-2015. Correspondance. Pierre Bergogneau, avec lequel de vos livres vous avez eu le sentiment un jour d'avoir comblé ce manque? Je vais vous faire la réponse qu'Hemingway adressée à je ne sais plus qui, peut-être à Ava Gardner. « Lequel de tes livres, Ernest, faut-il dire ?» Réponse d'Ernest, « Celui que j'écrirai demain. » Je compte que celui que je serai demain, s'il y a encore quelqu'un, sera mieux à même que celui qui vous parle, donc au présent, de discerner ceux qui étaient encore plongés dans les ténèbres et la confusion. De même que celui que je suis aujourd'hui se prévaut de vues beaucoup plus délié que le type qui portait son nom il y a 15 ans ou 30 ans. Et en même temps, celui d'aujourd'hui n'ignore pas que s'il est redevable de ce surcroît de lumière à ceux qui l'ont précédé, c'est parce que, avec les pauvres moyens qui étaient les leurs, ils sont donnés un mal infini pour avancer autant qu'il leur était permis. C'est quelque chose dont j'ai très, très intensément le sentiment d'être, en quelque sorte, le légataire d'enfants lointains, de l'adolescent effaré, malheureux souvent, que j'étais, et qui, constatant son impuissance devant les obstacles auxquels il ne cessait de se heurter, et faute que les adultes d'alors puissent lui offrir le contentement, l'apaisement qu'il demandait, a confié à l'adulte qu'il deviendrait peut-être, en vérité, jamais je ne serai adulte, le soin de dire, bah c'est ça, tout simplement. Comme si derrière nous marchait invisible, mais réel. Il n'y a pas besoin d'être matériel pour être réel. Une cohorte, des légions d'hypostases, d'êtres de nous-mêmes, qui, n'ayant pas trouvé dans l'instant la satisfaction, l'explication qu'ils souhaitaient, nous l'ont confié. En nous demandant, lorsque nous aurions trouvé la réponse, si naturellement nous trouvions la réponse, de leur tendre par-dessus l'abîme de la durée. Et à ce moment-là seulement, ils disparaîtront. Est-ce que le gamin de 6 ans qui vous tire par le coude, de temps en temps, vous dit « Ah oui, là, oui !» C'est moins beau que ça. Il disparaît. Il se dissipe comme une vapeur, une buée, une nuée, une fumée. Il a eu son compte. Il a obtenu le texte de son jour. Donc il peut l'amamper, s'absenter. Nous sommes des êtres de chair et de sang, mais de sens aussi. Nous sommes l'espèce symbolique par excellence. Nous ne pouvons nous tenir quitte de quoi que ce soit que cela ne soit comme irradié par ton sens. Si ça n'a pas de sens, on est perdu. Il y a quelque chose, le mystère de... qu'est-ce qui fait à un moment que je prends cette confiance en moi qui me dit « Ah, là, vas-y, ça c'est bien, ça, ça peut être lu par d'autres. » Et cette barrière qui est entre moi et le lecteur, c'est-à-dire ce que je donne à lire, qu'est-ce qui fait que certains textes, pour moi, peuvent la franchir et d'autres non? Et là, moi-même, je sais pas, j'ai pas vraiment de critères objectifs, pas du tout même. Il y a un moment où on se dit, ah oui, ça, voilà, ça peut être lu. Et puis, d'autres textes, on se dit, non, ça, c'est pas possible. Soit parce que ça touche peut-être quelque chose de trop intime, quoi, je saurais même pas dire quoi, ou inconsciemment, on sent que c'est quelque chose de, on est plus fragile, peut-être moins, on se sent moins fort, ou tout simplement parce que objectivement c'est atrocement écrit et ça n'intéressera absolument personne. Mais ça c'est très difficile à décider soi-même. Et donc voilà, il y a un peu un des vagues de textes, des vagues un peu chtoniennes, un peu sombres comme ça sous les tiroirs ou dans les fichiers d'ordinateur, de trucs dont on espère qu'ils ne ressortiront jamais, comme des monstres de Lovecraft pour hanter vos textes. Les livres se succèdent. Alors en fait, depuis 2013, ce qui se passe et qui a un peu changé la donne pour moi, c'est que j'écris sous deux noms différents. J'écris sous un pseudonyme, Rebecca Lilieri, et j'écris sous mon nom, Emmanuel Bayamaktam. Good to see you, Chevy. Good to see you. En fait, depuis que j'ai eu cette idée très, très libératrice en fait, pour moi d'écrire sous pseudonyme, j'alterne. C'est-à-dire que à un Lilieri succède un Bayamak succède à un Lilieri, et du coup j'écris tout le temps. Ça n'était pas le cas avant. Avant, il me fallait à peu près un an pour je sais pas quoi, en fait, retrouver un élan, une énergie, je ne sais pas. En tout cas, depuis que j'ai cette double casquette, j'écris constamment. Comment c'est arrivé, ce besoin d'avoir un deuxième nom d'auteur ? C'est arrivé parce que je voulais écrire, finalement, m'aventurer un peu sur le terrain du roman noir ou du thriller. Et je ne me l'autorisais pas. Et du jour où j'ai eu l'idée de prendre un pseudonyme, bah, ça a été très très désinhibant. Du coup, j'ai osé écrire donc Asbuns, hein, qui est vraiment un roman noir. Et alors, j'avais l'illusion que personne ne saurait que c'était moi. Bon, évidemment, c'est pas possible en fait de faire ça. Mais pendant l'écriture, en tout cas, de croire que je pourrais publier ce livre, pas forcément chez POL, sous un nom d'emprunt, et que personne ne sache que c'était moi, m'a permis de l'écrire. Et depuis, j'assume complètement le fait d'écrire ces romans noirs. Et je pense même que j'aurais dû prendre un pseudonyme avant, en fait, ou prendre plusieurs pseudonymes pour écrire des choses très différentes. Je regrette de ne pas avoir eu l'idée avant de ce verrou de fiction supplémentaire entre moi et le lecteur. Who is this guy? It's like he's in computers or something. Computers? What's the story? Financial scam. Saint-Germain-des-Prés. Same old, same. Saint-Germain-des-Prés. Yves Pagès, vous nous recevez ici dans votre bureau, tout en haut d'un immeuble de la rue Condé, dans le 6e arrondissement, au cœur de Paris. On est dans les bureaux des éditions Verticales que vous co-dirigez. Donc Yves Pagès, vous êtes d'une part éditeur et puis d'autre part auteur. Quel serait le livre que vous rêveriez de trouver parmi la pile des manuscrits qui vous arrivent ? Plusieurs fois par an, il y a vraiment quand même un manuscrit qui soulève plus qu'un certain intérêt ou un grand intérêt. Je sais pas si je pense pas que j'en rêvais, parce qu'en fait justement c'est des manuscrits qui tout d'un coup nous emmènent dans un endroit qu'on n'avait pas imaginé. Donc finalement c'est, je pense que le sentiment majeur qu'on attend, c'est la surprise en fait. Hein, c'est d'être comme ça complètement étonné. Je crois que l'un des derniers qu'on va publier courant de l'année 2019, ça s'appelle Chronique d'une station-service. Puis tout d'un coup, on ouvre le manuscrit qu'avait trié la stagiaire et qu'avait mis dans la pile à regarder vraiment de plus près. Et d'un coup, on l'ouvre et on voit que c'est un pompiste qui cite Baudrillard. Bon, on se dit, oula, c'est une très étrange idée. Une citation plus très drôle sur l'essence de l'homme, bon, avec un une sorte de jeu de mots, avec un humour comme ça. Là, on se dit, bon, peut-être que ça va aller vers quelque chose d'un peu purement potache. Et puis non. Et puis non, ça tient 20 pages, ça tient 30 pages, puis ça tient l'ensemble du manuscrit sur cette corde raide d'un pompiste qui fait de la métaphysique et qui regarde et qui a une vision du monde particulière. Et c'est écrit d'une façon très fragmentaire. Il y a une invention de forme, et puis il y a aussi un regard sur le monde comme ça, décalé, singulier. Mais là, tout d'un coup, il y a un angle, un prisme comme ça de regard sur le monde qui, tout d'un coup, moi, me déplace aussi. Je me dis, tiens, quelle drôle d'idée. Eh ben, elle est productive. Bon, ben voilà, ça répond intégralement à ce programme. Et c'est quand même arrivé pour, je dirais, les trois quarts des auteurs publiés dans notre collection, qui nous ont fait en plus la gentillesse d'y rester, qui sont arrivés comme ça par la poste. Donc avec vraiment quelque chose qui tombe du ciel et qui nous déplace, que ce soit Pierre Sange, voilà, écrivain qui nous a raconté au premier, puis dès le deuxième livre qu'on a publié, l'histoire d'un jardinier qui cultive des plantes grimpantes qui transforment les villes en ruines, donc une sorte de jardinier terroriste, mais qui ne cherche pas forcément à créer les ruines de l'enfer, mais peut-être un paradis perdu. Voilà, bon ben, là encore, drôle de livre herbier que je ne pouvais pas avoir imaginé à l'avance. Chaussures, Jeanne d'Arc, Début, Mortain Stink, Saint-Tropez, Une Américaine, Les Quasi-Monténégrins, Formage, Antonia Bellivetti, Cavale, Grand Ensemble, Concernant une ancienne colonie, Tomate, Crâne chaud, Descente de médium, Que faire des classes moyennes, Un œil en moins. J'ai commencé presque par inadvertance ici, à Marseille. En fait, j'ai rejoint deux amis, Nathalie Quintane. Et à eux deux, ils avaient fondé une petite revue qui s'appelait RR, qui était en fait une feuille A3 pliée en deux, qu'ils envoyaient par la poste à l'époque, à une liste relativement réduite de poètes un peu partout en France. Donc ils m'ont proposé de donner un petit texte, et ça a commencé comme ça. Voilà, ça a commencé presque directement par les remarques, qui s'appelaient pas à l'époque remarques, mais c'était le même principe, des petites phrases comme ça, très plates, littérales. Et comment est venue la confirmation de ce geste d'écrire ? Oh bah par, je crois que c'est Paul Tchaïkovski, Laurence, P.O.L. Je crois que j'aurais pas fait grand-chose s'il n'y avait pas eu ce retour constant des éditeurs de revues et de l'éditeur qui était Paul Tchaïkovski, Laurence. Parce qu'il y avait un tel désir de sa part tout le temps, enfin... Je me souviens des débuts, tous les trois mois, il me demandait « Bon, alors vous travaillez à quoi ?» Il attendait, ça allait sans dire. On travaillait à quelque chose qu'on allait lui donner. Et ça a été déterminant, et je pense que c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles, sur on va dire les 10 premières années ou les 15 premières années, j'ai publié chez lui beaucoup de livres. Mais s'il n'y avait pas eu ce désir qu'il exprimait régulièrement, j'aurais pas autant écrit. Et Chaussures, c'est né de quel désir ? Comment c'est ? C'est né entièrement de lui. Et j'ai écrit à peu près, tel que c'était publié, 250 pages sur la chaussure, la marche, le pied, les lacets, les semelles, etc. Un livre, je me demande si c'est pas toujours le fruit, en ce qui me concerne, d'un désir réciproque, commun. Voilà. Et comme s'il fallait qu'il y ait le désir de quelqu'un pour justifier votre écriture. Oui, sinon, pour quelle raison je me permettrais de publier 250 pages sur les godasses? Franchement, s'il n'y avait pas quelqu'un en face qui me dit « mais si », ça me semblerait évidemment vain. Et pourquoi ça fait si peur d'ajouter un livre au livre? Quand on a lu, quand on a été très marqué par des livres qui ont été très importants, existentiellement, vitaux, hein, je pense à, je sais pas, évidemment, Une saison en enfer de Rimbaud. Comment on ose? J'ai mis des années avant de... Bah oui. Et en fait, la manière dont, j'y reviens, dont Paulo Tchaïkovski envisageait le métier, à ce que j'ai compris tardivement, c'est que les livres imparfaits, les livres auxquels il manque quelque chose, justement, étaient tout aussi justifiés. Je suis pas sûre que ce qu'a tenté Rimbaud en écrivant Une saison en enfer soit ce qu'on peut appeler un livre parfait. C'est beaucoup plus bricolé que ça, au fond. Dans vos textes, il y a des fragments de fiction, des fragments de poésie, des fragments de témoignages. Vous mêlez les genres. Oui. Et comment ça s'est construit? C'est vrai que dans la partie de la poésie que j'aime beaucoup et qui me nourrit, qui me fait travailler depuis toujours, ce sont des textes souvent fragmentaires, volontairement ou pas d'ailleurs, bricolés, troués, il y a des parties manquantes. C'est les textes de montage en fait, c'est les textes où ça se juxtapose comme ça, les fragments, les paragraphes, les phrases sont juxtaposés plus qu'articulés. Et là, il y a quelque chose, je crois, de très pertinent, très efficace, j'allais dire. Quand je pense au mot chaussure, c'est-à-dire quand je le dis, que ce soit ou non en l'articulant dans la bouche, il m'arrive par exemple associé à une paire de chaussures, des mocassins jaunes, que j'avais enfant. Ces chaussures ayant à l'époque attiré l'attention de mes camarades, quelle idée de porter des chaussures jaunes, qui les comparèrent aussitôt à des biscuits fourrés à l'orange qu'on distribuait dans les cantines. Ou bien, associé à l'intérêt exacerbé que porte une de mes amies aux chaussures, accumulant les boîtes, économisant des mois pour l'achat d'une paire, ou à la seule fois où un vendeur me donna des caractéristiques techniques et des termes qui m'ouvrirent un monde aussi complexe que celui du moteur à quatre temps. Ou bien encore à cet exercice de diction, où il est d'ailleurs question des chaussettes d'une archiduchesse et non de ses chaussures. Ou à la liste des noms de chaussures, et en fait au texte chaussures, auquel me renvoie à présent le mot chaussure, que je ne puis lire ou entendre sans penser à l'état du texte en cours, au moyen de le corriger ou de l'augmenter. Aussi est-il vraisemblable que le mot « chaussure » continuera à m'évoquer assez longtemps ce texte. Quand je commence à travailler, ce qui me manque le plus, c'est une forme. Chaque livre, c'est à chaque fois une forme à trouver, quoi. Vraiment, je me sers d'à peu près tout ce qui existe, tout ce que j'ai lu, tout ce qui vient sensiblement au fur et à mesure du travail. Mais quand la forme est là, je tiens le livre. Mais il faut que la forme soit là. Alors ça peut être des choses très simples, hein, en ce qui concerne Un œil en moins. Il y avait une première version qui était, comme souvent d'ailleurs chez moi, une version très compacte, avec des pages entières, très serrées, sans passage à la ligne, sans rien. Et puis, au début de ce travail-là, j'ai lu Jules Vallès. J'ai lu L'Insurgé, qui est le troisième tome de son autobiographie. Et là, je me suis dit, mais ouais, évidemment, c'est ça. Mais damned, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Il faut, au contraire, pour ce type de texte qui entend rendre compte d'actions concrètes, d'une époque présente, puisque ça partait du printemps 2016, des manifestations du printemps 2016, des Nuits debout, etc. Il faut une forme qui soit aérée. Il faut passer à la ligne, il faut utiliser plutôt des présents. Ça, je le faisais déjà. Il faut qu'il y ait quelque chose de très comme ça, qu'on puisse se lire en volant un peu. Qu'on se regarde tous ensemble. C'est pas qu'un mouvement de jeunes, c'est pas qu'un mouvement de vieux ou de vieilles, c'est un mouvement. Le politique est revenu de manière très très forte à partir de fin des années 90. C'est revenu aussi dans la poésie. Je me souviens que la première petite anthologie où on parlait des sans-papiers dans la poésie, c'était une toute petite anthologie sortie par Al Dant en 99, ouvrier vivant. Donc il a fallu pour nous, du côté de cette poésie-là, attendre presque la fin des années 90 pour se rendre compte qu'il fallait quand même essayer de le prendre à bras-le-corps, nous aussi, ce qui se passait. Et donc, ça a continué comme ça. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Tomate », qui est beaucoup plus directement politique en 2010, qui partait du fait divers de Tarnac, en fait, hein, de ces jeunes gens qui avaient été arrêtés parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir posé des fers à béton sur une ligne TGV. Et puis est venue l'évidence qu'une partie de la transmission d'une forme de conscience politique s'était totalement perdue, qu'il n'y avait pas eu de transmission en fait, hein, et qu'il nous fallait, avec le peu de moyens qu'on avait, il me fallait en tout cas, essayer de réarticuler, plus seulement juxtaposer les fragments, mais les réarticuler pour pouvoir comprendre un peu, pouvoir transmettre, pour pouvoir comprendre qu'on n'était pas perdu au milieu d'une île à essayer de tout réinventer avec rien, qu'il fallait un peu se transmettre des outils, des histoires, des scènes concrètes, des idées, pour s'en sortir un peu mieux. Fagès, est-ce que pour vous, comme éditeur, c'est important de savoir comment un auteur a écrit le texte qui est entre vos mains et qui vous plaît ? Nous, on fait partie, avec Jeanne, ma collègue, d'éditeurs, j'ai appris le métier comme ça, d'éditeurs qui sommes, non pas interventionnistes, mais qui aimons avoir des allers-retours de travail avec les auteurs. Et ça veut dire qu'on pose beaucoup de questions aux auteurs sur la fabrique du livre. Parce que très sincèrement, le fait que l'auteur nous explique que le livre il l'a écrit d'une seule traite ou qu'il y ait des morceaux, des matériaux du livre qui a été écrit il y a longtemps, etc. Tous ces éléments en fait vont nous permettre souvent de rebondir et de comprendre des choses où il manque des sutures, où il y a des choses qui sont un peu cul par-dessus tête, etc. Et c'est souvent lié à la fabrication du manuscrit. Donc en fait ça nous éclaire beaucoup. Et puis voilà, on a aussi envie de voir les intentionnalités de l'auteur. Non pas qu'un livre se réduise aux intentions de l'auteur, loin de là, mais comme ça aussi pour faire émerger parfois des zones d'ombre du fait qu'on n'a pas du tout compris ce que l'auteur espérait qu'on comprenne. Mais c'est vrai que les questions sur la fabrique sont énormes, et puis ensuite, curiosité aidant, parce que ça nous sert moins à quelque chose, on aime bien connaître la petite cuisine de l'auteur, est-ce qu'il écrit le matin, est-ce qu'il écrit le soir. Est-ce qu'il écrit 4 heures de suite ou 8 heures de suite ou 2 heures par-ci par-là? Est-ce qu'il écrit sur un cahier d'abord et puis qu'il recopie? Et donc là, ça c'est vraiment magnifique, c'est-à-dire il n'y a pas un auteur qui ait la même discipline, la même horloge biologique, la même etc. qu'un autre. Ça c'est vraiment totalement incroyable, c'est sidérant même. Oui. Ensuite, il y a des gens qui ont des petits rituels qui peuvent sembler totalement aberrants. Chacun a sa technique et il ne faut surtout pas intervenir là-dedans. Parce que ça, par contre, c'est très précieux. C'est quelque chose qui est fragile. Il ne faut pas bousculer ces choses-là. Il ne faut pas commencer à dire bah « Non, tu devrais faire ça ». On n'est pas là pour... Mais ça dit quelque chose du métier d'éditeur. On n'est pas là pour imposer des normes non plus. Parce que si on impose des normes, on coupe les ailes de l'auteur. Mais c'est fragile tout ça. Comme Verlaine, la chanson Prévert, biver en bord de nous, voir ailleurs. Yves Pagès, vous êtes vous-même auteur ? Oui, demain, il paraît. Comment naissent les livres chez vous ? Pour vous ? Les livres, il y a plusieurs types de livres, mais disons que pour les textes courts, ils viennent comme l'art du bref l'implique, ils viennent petit à petit et par une illumination. À un moment donné, qui est cette forme ou ce thème ou cette chose fait série. Ah, tout d'un coup, et la série produit quelque chose et donne envie d'en faire d'autres. C'est ce qui m'était arrivé pour Petite Nature Morte au travail. Voilà, c'est un effet de série qui, à un moment donné, donne de l'élan. C'est totalement différent, je trouve, sur ce qu'on appelle une fiction, un roman. Pour moi, c'est une puissance d'obsession. Où je dirais que là, ce qui joue, c'est pas l'effet de série, c'est la mémoire sélective. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un petit objet de focalisation, comme ça, une source d'intérêt, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient tellement récurrent qu'on y repense tous les 2 ans, et puis tous les 6 mois, et puis là, toutes les semaines. Bon, ben, à un moment donné, on se met à travailler dessus et à raviver ou à documenter ce point d'obsession et puis à l'associer avec d'autres choses et puis voilà, puis il se passe quelque chose à ce moment-là qui fait qu'on s'y met. Moi, j'aime bien que les romans soient faits à partir de focalisation sur un point qui est vraiment creusé et qui est riche, qui est ambivalent, qui est complexe. Un livre, pour moi, ça sert à déployer une obsession profonde. Et voilà, ensuite, on pourrait aller plus loin. Il y a à peu près la moitié des livres que j'ai écrits, il y a des incendies dedans. Alors là, il faudrait se demander pourquoi je suis obsédé par l'incendie. Mais là, je ne sais plus si on est dans le domaine de la littérature, et je ne sais pas si je pourrais continuer à écrire des livres si je savais y répondre. Parce que là, ça devient les mystères liés à son imaginaire. Il y a sûrement des traumas, des fascinations... voilà, mais je pense pas qu'il faut tout comprendre dans la démarche de l'écriture, parce que sinon on peut en effet peut-être la sécher ou enfin voilà, on n'est pas transparent à soi-même sinon on n'écrirait pas des livres. Il n'existe plus. Je pense que les auteurs à chaque livre ils renouvellent plus. Ils vont vers des terres des terrains incognitas là, mais en fait ils reviennent toujours à c'est des détours qui les ramènent toujours à la même chose, mais c'est vrai que il y a un moment donné ou dans le devenir d'un auteur, ce qui est intéressant, c'est que s'il refait toujours ni tout à fait le même, ni tout à fait d'un autre livre, en tout cas, à un moment donné, il prend une assurance telle qu'il peut l'assumer pleinement. Voilà, ce qui n'arrive pas à tous les auteurs. Demain je vis, demain je meurs. Si vivo en mi vida, muchos inmerecidos honores, pero hay uno que me le ha dado más que ninguno, y fue el honor de que me nombraran director de la Biblioteca Nacional. Y esto se hizo por razones menos literarias que políticas. Lo hizo el gobierno de la Revolución Libertadora. Pero yo jamás había soñado en la posibilidad de ser director de la biblioteca. J'aime la compagnie des livres, des auteurs, et des récits, et des histoires, et des personnages. Et c'est sans doute pour cela que j'aime imaginer des livres et en écrire. Voilà. Et, effectivement, écrire, c'est aussi rajouter des mots dans le grand corpus de l'humanité. Et on pourrait rêver d'ailleurs de le voir un peu un jour, hein, comme ça commence à apparaître dans les ordinateurs et les bibliothèques virtuelles. Bientôt, on pourra peut-être voir à quoi ressemble finalement cet immense corpus de l'humanité. C'est un peu un peu de projet googlien, hein, presque plus que borgésien. Où on pourrait ajouter tous les mots ensemble et voir qu'est-ce que sera que cette montagne, cet objet, dans toutes les langues de la Terre, de tous les textes qui ont été composés jusqu'à présent. Et finalement, être auteur, c'est augmenter hein, ce corpus, ajouter tout simplement ces mots à ce grand ensemble. Rajouter des histoires, des récits, après auxquels le lecteur souscrira ou non, mais en tout cas, on rajoute soi-même... toujours des récits, des mots, du texte à cette montagne. C'était À la poursuite des livres manquants, le livre qui vient. Avec Mathias Sénard, Emmanuel Bayamaktam, Nathalie Quintane, Yves Pagès et Pierre Bergouni. Ce sont Thierry Beauchamp, Diffie Mariani et Jean-Philippe Navarre qui ont lu les extraits de texte. La Bibliothèque noire de Cyril Martinez aux éditions Buchet-Chastel, La perfection du tir de Mathias Sénard aux éditions Actes Sud, La princesse de Emmanuel Bayamaktam aux éditions POL et Chaussures de Nathalie Quintane aux éditions POL. Merci à Benoît Galibert. Prise de son, Thibaut Nassimben, Romain Lucquins et Laurent Lucas. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire d'Élise Gruot et Anna Smuk. Autrice, écrivain, exégète, bibliophile, archéologue, bibliothécaire et lecteur, LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter face à la page blanche et sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Jules Crétois et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour nous suivre et nous écrire, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons au zoo. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end. Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.